mannequin tombe dans un coffre. Les belles filles appellent au secours. Même le sida appelle en témoin. J'aime le beau. Je hais le laid. Je hais